Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Yeah, hi, this is Steve Wozniak, and you are listening to the podcast of Mac Québec. MacQuébec.com, le podcast. C'est toutes les nouveautés Apple. Commentaires et critiques. Vos questions, nos réponses. Et beaucoup de collaborateurs. Bienvenue au podcast de Mac Québec. MacQuébec.com. Bonjour Mac Québécois, Mac Québécoise. Bonne année 2014. Aujourd'hui à l'émission, Jean-François nous parle de Open Emu. On fait un survol des nouveautés du CES pour les appareils Apple. Et bien sûr, toutes les autres nouvelles sur le monde Apple. C'est le podcast Mac Québec. Bonjour à tout le monde, bienvenue au podcast Mac Québec, édition du 7 janvier. Il est 8h01:12. On a commencé pile à l'heure, ouais. On était prêts. Et ce soir, vous allez avoir en fait un show, on pourrait dire pratiquement un show Nexus. Oui. C'est dans le sens où on n'a pas de flafla, on n'a pas d'invité, on n'a pas de nouveaux collaborateurs. On a moi et Jean-François. Puis il faut dire, en fait, on a parti ça, toi puis moi, il y a 2 ans. Oui. En fait, la dernière génération d'animateurs, là, évidemment, on le faisait avec Bernard avant. Mais c'est comme ça qu'on a parti ça le soir où Steve est mort. Oui, exactement. Super bonne date pour commencer très un nouveau date, show. Très bonne date. Voilà, le podcast Mac Québec est une émission bimensuelle produite par l'équipe du site www.macquebec.com sur l'univers Apple. Au cours des 2 prochaines heures-ish, parce que ça risque d'être moins long, là, moins de salive, long, ouais. Nous passerons en revue les nouvelles du monde Apple des 2 dernières semaines, répondrons à des questions posées par des membres de la communauté Mac Québec et présenterons nos trouvailles de la semaine. Sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur pour aujourd'hui. Jean-François, ça va bien, Jean-François? Oui, ça va très bien, toi. Bonne année. Bonne année. Passez un bon temps des fêtes? Oui. Oui. Puis on est allé manger des très bonnes... des côtes levées? Voilà, oui. au Boucan. Organisé par notre ami Jonathan Laberge, qu'on salue. Merci, Jonathan. C'était très bon. La poutine au début, là, à l'entrée... Ça fait, ouais. Très bonne. Oui, effectivement. Les auditeurs peuvent nous soumettre leurs questions et problèmes sur leurs différents produits Apple en utilisant les moyens habituels, soit via Twitter en utilisant le hashtag PodMQ, sur la plateforme Mac Québec Entraide au www.macquebec-entraide.com ou en nous écrivant au podcast@macquebec.com. Comme Jean-Michel n'est pas avec nous ce soir et qu'on est trop zouf pour apprendre comment le téléphone fonctionne, ben faudrait on n'a pas de téléphone. Il faudrait peut-être mettre de l'argent aussi dedans. Il me semble. Okay. Oui, on a mis un petit montant dedans. Okay. On va remettre le téléphone bientôt. C'est un numéro... à l'ensemble qui fonctionne, 1-877 qui fonctionne à la grandeur de la province. Mais le monde nous écrit par courriel. On a reçu 2 courriels la semaine passée ou la semaine d'avant, mais là, on n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un courriel en disant au monde, on va vous répondre au prochain podcast et on va répondre aux 2 questions ce soir qu'on a reçues pendant le temps des fêtes. Oui. Et on vous encourage, en fait, à venir aussi. Normalement, on n'encourage pas de sortir du site web de Mac Québec, mais si vous êtes en train de regarder la diffusion vidéo et que vous cliquez sur le titre de la diffusion, là, qui est probablement podcast du 7 janvier, vous allez vous retrouver sur la page YouTube et à ce moment-là, le chat sur le côté, si vous avez un compte Gmail, vous permet de dialoguer avec nous en direct. Malheureusement, en fait, la plateforme qu'on utilisait avant, Spreecast, nous permettait d'avoir un chat qui était très, très... en même temps que la diffusion. Ouais, synchronisé. Mais je pense que YouTube met un anti-Janet Jackson dans son feed vidéo et on est 1 minute décalé par rapport à vous. Il aurait fallu commencer à 7h59. Oui, c'est vrai. Pour les auditeurs en direct sur YouTube. Qui, eux, ont commencé à nous écouter à 8h01. Voilà, on est comme Einstein dans Back to the Future. On aimerait remercier nos commanditaires parce que ces gens-là nous aident à faire une diffusion qui a de l'allure. Donc, les équipements, les prix, souvent, qu'on fait tirer. Il y en a eu beaucoup dernièrement chez Mac Québec. Donc, on aimerait d'abord remercier ClickPom qui nous prête leurs locaux pour cette diffusion-là et pour les événements spéciaux qu'on organise. On aimerait aussi remercier Coop UQAM qui est situé au 279 rue Sainte-Catherine-Est. Et où est-ce que vous pouvez aller pour avoir du super bon service à propos pour les produits Apple? Et souvent, on pense qu'une coopérative, c'est seulement pour les étudiants, mais pas du tout. Tout le monde peut y aller et ils ont même le droit de vous vendre des Macs non éducationnels. Donc, c'est sûr que vous avez le même prix que sur le site d'Apple, mais un excellent service. ReptileTech, spécialiste en solutions web multiplateformes. Ces gens-là nous donnent un sacré coup de main quand on fait nos diffusions spéciales. Et maintenant, le site Mac Québec est hosté ou hébergé chez eux. Une sacrée belle gang. On vous les recommande. iRepair Montréal, sauveur de vie professionnelle, chez qui je suis allé un petit peu avant la période des fêtes. Puis les gars sont en train de s'équiper solide pour faire des réparations assez cool. Ils ont maintenant un microscope. Ils peuvent faire des réparations sur des motherboards. Donc, si vous avez, comme Lynn Sainte-Marie, par exemple, du blog Tornadrousse, échapper votre iPhone il y a un mois dans le bain et que là vous vous demandez pourquoi il fonctionne pas bien, il y a fort à parier que c'est le bain qui a mis la hache dedans. Et à ce moment-là, on vous recommande iRepair Montréal. Et l'INIS, qui est un tout nouveau commanditaire pour le podcast et pour Mac Québec. L'INIS, c'est l'Institut national de l'image et du son, qui est un centre de formation où les gens du milieu du cinéma, de la télévision et des communications peuvent recevoir des formations de perfectionnement données par des professionnels du milieu. Ça, c'est pour leurs cours qui sont plus longs, mais si vous voulez, vous, peut-être en apprendre un peu plus sur votre Mac, peut-être un peu plus sur des différents logiciels, par exemple Final Cut. Ils ont beaucoup Cut. De choix, là. Oui, ils ont pas mal de choses, donc vous pouvez aller là. Et c'est d'excellentes formations. J'en ai pris une moi-même il y a quelques temps. Et ça m'a beaucoup appris. C'était pas mal intéressant. Voilà, ça fait le tour de nos commanditaires. Mac Québec, le podcast. Eh bien, les petites nouvelles, en fait, à propos de Mac Québec, pour les gens qui étaient avec nous, d'habitude, on se débranche pendant la période des fêtes. Oui. Mais il y a quand même des gens qui nous ont lus et beaucoup, beaucoup, le 30 et le 31, on a eu un article d'un invité spécial qui a fait beaucoup de bruit, en fait, sur Mac Québec. Ce qui se passait, en fait, c'est que depuis quelques jours, sur Facebook, il y avait une photo de MacBook Pro qui circulait, que les gens se partageaient. Et ça disait, en fait, si vous partagez la photo, vous participez à un concours pour gagner un MacBook Pro. La photo était diffusée normalement par Apple Inc., mais c'est pas tout à fait ça. Puis ces concours-là, en fait, c'est des arnaques. En fait, Facebook ne permet même pas des concours basés sur le partage de photos, des trucs comme ça. Il faut utiliser des plateformes spécifiques. Nous, on a déjà utilisé Swag par le passé, puis il y en a d'autres. Et quand j'ai vu ça passer, moi, j'ai rien fait. Puis je me suis dit, si je commence à chialer, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu plus loin dans mon feed, j'ai vu que Thomas Dano, Monsieur Web en personne de chez Adviso, avait écrit au monde comme « Come on, on en a déjà parlé, arrêtez ces niaiseries-là ». Fait que j'ai lancé un petit message, puis j'ai demandé s'il serait intéressé de faire un article qui serait diffusé sur Mac Québec. Il l'a fait. Puis on a fait le double d'auditeurs ou de lecteurs ces deux journées-là. Une autre grosse nouvelle pendant le temps des fêtes, en fait, je pense que ça s'est passé le 30 ou le 31, la nouvelle application MQ Mobile 3.0 est sortie. Puis on a des statistiques, Jean-François, sur le téléchargement. On a eu... ça a été une mise à jour gratuite de la version 2 à la nouvelle version compatible iPhone, iPad, faut dire. Oui. On a eu, à date, c'est 2458 mises à jour et 104 nouveaux usagers qui ont fait que les 2458 peuvent dire à leurs amis que l'application est awesome. Oui. C'est Pierre Rochon de chez Piroxo qui nous a programmé ça et elle est d'abord très belle, super réactive. Très slick. Très slick et bien en accord avec iOS 7. Et on a vraiment tout dedans. Donc, on peut écouter le podcast en audio si on parle d'un Icecast. Oui. Donc, j'ai oublié de faire. Fait grave. Qu'on enregistre comment? Je vais enregistrer sur YouTube. Je vais aller chercher le c'est son bon. YouTube. Excellent. Et ensuite de ça, on a même la diffusion en direct dans l'application en vidéo. Donc, si vous voulez nous voir en vidéo, vous pouvez le faire maintenant sur l'application MQ Mobile, la version 3.0. Et encore une fois, on remercie Piroxo pour le développement de cette application-là. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @macquebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. macquebec.com. Et nous voilà de retour en studio. On laisse un petit peu de place à Jean-François s'il veut faire de l'édition puis enlever des silences. J'avais complètement oublié de partir le logiciel pour enregistrer, mais c'est pas grave. Correct. Fait que c'est correct. C'est correct. Pas de problème. Les gens qui vont nous écouter en podcast, tu vas ajouter le bout d'introduction par le YouTube. Mais sinon, on commence avec les nouvelles 2014. Première grosse nouvelle, c'est sorti aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Apple qui a vendu 10... Non, pas 100. 10 milliards. 10, ouais, c'est 10, ouais, excusez, j'ai marqué ça. 10 milliards d'applications vendues en 2013 et 1 milliard seulement en décembre. Et ce que je trouvais drôle, en fait, de cette nouvelle-là, c'est qu'il disait qu'il y avait donc il avait payé 60 millions de dollars, ou en tout cas, il disait qu'il en avait remis 60 %, puis j'étais là, non, c'est supposé être 70. Je comprenais pas trop, mais c'est beaucoup d'applications. C'est beaucoup d'applications. Mais ça inclut pas les in-app purchases? Est-ce que ça inclut? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment les applications téléchargées, là, les in-app purchases, ils communiquent pas réellement là-dessus. OK. Donc, sinon, j'aurais aimé voir le Candy Crush, combien qu'il aurait ramassé, tu sais. T'as-tu vu à Infoman, il est allé voir les gens qui ont développé... Je l'ai écouté, tu sais, c'est comme... c'est vrai, moi, je joue pas là, sur mon téléphone, là, mais j'ai joué quand que je l'ai quand essayé. Quand c'est sorti? Mais j'ai pas accroché. Là, ben, ceux qui ont joué à Bejeweled dans le temps connaissent le concept. Souvent, c'est ça, à Bejeweled, moi, j'ai joué. Mais là, ça c'est la même affaire, sauf exactement. Que il y a des niveaux différents. Mais au-delà de payer pour avoir des vies plus, parce que c'est de l'argent. Mais ça a l'air, il disait qu'il y a 800 000 $ qui rentrent chaque jour de cette application-là. Ils sont 30. Combien qu'il avait dit Infoman? 50, même pas combien? 50 personnes? 50 personnes, 50 juste personnes. Pour ce jeu-là. Ouais, juste pour ce jeu-là. Ouais. Fait que, imagine le. Ça fait du bidou. Mais on n'a pas, là. Ils n'ont pas donné le rang de. Tu sais, mettons, c'est quoi l'émission, l'application qui a été téléchargée le plus ou. On ne sait pas, ça. Qu'est-ce qui a été téléchargé le plus dans le 10 milliards? Non, pas encore, mais ils ont quand même sorti, vers la fin 2013, ils ont sorti, je pense, le top 10 des applications. Oui, c'est vrai, on en avait parlé, c'est exactement. Vrai. Bon, j'ai rien dit. Très bon. C'est bon. Le Mac Pro est sorti pendant les fêtes aussi, sans tambour ni trompette. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il bug, là. Bon, OK. Fait que... donc, sans tambour ni trompette, le Mac Pro est sorti. Évidemment, iFixit est tout de suite allé ouvrir la bête, c'est ce qu'ils font. Et ils ont dit, en fait, que le Mac Pro était le plus réparable et upgradable des Macs, de la gamme complète des Macs, probablement actuelle. Parce qu'on peut facilement l'ouvrir, on peut les barrettes de mémoire sont facilement accessibles. Oui. C'est un petit tray qui s'ouvre de chaque côté, c'est très, très beau. Le disque dur peut facilement être changé, si je ne me trompe pas. La barrette, il n'y en a pas qui existe actuellement, mais c'est quelque chose qui est enlevable et on peut aller en rajouter un. C'est pas gros, hein, quand c'est tout démonté. Non. C'est un petit bloc de même, puis c'est vraiment pas gros, là. Donc, ils ont donné la note de 8 sur 10 pour l'appareil. Ça donc, fait longtemps qu'iFixit n'a pas donné une note aussi haute pour un ordinateur Apple. Là, pour, effectivement, parce que tous les derniers appareils, que ce soit les MacBook Pro Retina ou les MacBook Air ou le dernier iMac, c'est très difficile d'ouvrir l'appareil pour aller jouer dedans, alors que lui, en fait, il y a un petit bouton sur le côté, puis on peut l'ouvrir facilement. Et le vidéo de présentation est super beau sur le site d'Apple. Très beau. Ouais. Très beau. Intéressant. Jean-François, une nouvelle aussi qui est sortie aujourd'hui, iOS 7.1 bêta 3. Ouais. Tu l'as installé? L'as-tu installé? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des changements? C'est plus dans l'interface, l'esthétique, l'esthétique du produit qu'ils ont mis à jour. Ils ont changé le clavier n'est pas pareil, il est différent. Tu le vois qu'ils ont fait un changement dans la fonte des lettres. La fonte est un petit peu plus bold, un petit peu plus épaisse. Ouais, tu le vois là au premier coup d'œil, là, je dis, hey, c'est plus pareil, tu sais. Le bouton shift. Hey, je me suis mélangé. C'est ça, parce que t'es pas habitué, parce que là... À ce qu'il soit blanc. C'est ça. Fait que là, tu penses, il est en magique. Ah non, là, il faut plus que tu y touches, whatever. Fait que... Donc, le bouton shift, le bouton effacement aussi, pour effacer des lettres, qui a changé. Les boutons, en fait, ont tous été remplacés des carrés qu'on avait avant par des ronds qu'on retrouve aussi. C'est un thème qu'on retrouve aussi assez dans Mavericks. Avec la vague et tout ça, là, mais c'est assez beau. C'est un truc qui va être le bêta 7, le bêta 7.1 va être développé jusqu'à à peu près mars, d'après ce qu'on a entendu. Donc, c'est une longue période de développement. Ça, je comprends pas pourquoi mars, là, c'est comme... C'est assez long. Il n'y a rien, là. Il n'y a absolument rien de nouveau dans cette nouvelle version. Non, mais ils enlèvent des bugs. Avec Mail, des trucs comme ça. Donc, ça va être mis à jour. C'est la troisième bêta. Et parlant de mise à jour, si vous êtes en possession d'un Apple TV, la version 2.0, donc pas les boîtes qu'on achète actuellement. Deuxième génération. À ce moment-là, à l'époque, il avait réussi à jailbreaker ces appareils-là, ce qui n'est plus possible maintenant. Ou en tout cas, il n'y a personne qui s'est donné la peine de le faire. Et le ATV Flash, donc le Apple TV Flash de la compagnie Season Pass, c'est ça? Firecore, mais c'est l'application Season Pass. A été mis à jour pour jailbreaker les dernières versions de l'OS qu'on met dessus. Si vous mettez à jour votre Apple TV avec la dernière version bêta, ce n'est pas supporté, non. Par contre. Non. Donc, ça permet en fait un certain nombre de choses, d'ajouter entre autres Xbox Media Center, Plex sur son XBMC. Appareil. XBMC, ouais. Plex, d'autres applications TV, comme ça. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de... Ben là, ça va évoluer de plus en plus parce que là, en plus... Parce que le problème avec la génération actuelle de Apple TV, ça a l'air que c'est le côté matériel à l'intérieur qui serait pas pareil comme la deuxième génération. Tu sais. Fait que ils disent qu'ils travaillent dessus, puis d'après moi, je les crois. Là, je veux dire, sinon ils le diraient pas. Tu sais, parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire demander est-ce que vous allez être capable de jailbreaker la troisième génération? Est-ce que vous êtes capable? Tu sais? Mais d'après moi, ils doivent travailler dessus. Parce que le dernier jailbreak qui est sorti avec Evasion, qui fait jusqu'à bêta 3 présentement, ou avec même la version bêta 3 qui est sortie aujourd'hui de 7.1, fonctionne. Mais c'est le même jailbreak qui est dans l'Apple TV. Okay. Je veux dire, ils ont juste tweaké les affaires pour que ça fonctionne, ça passe, mais c'est le même problème que dans le téléphone, dans l'iPad, qu'avec l'Apple TV. Fait que s'ils travaillent sur la troisième génération, demain matin, je m'en vais chez Apple, je m'en vais chercher 4-5 Apple TV, je les revends sur eBay, je vais me faire de l'argent. Exactement. Parce que pendant un certain temps, les Apple TV deuxième génération étaient vendus au-dessus de 400$ sur eBay, justement parce que eux pouvaient être jailbreakés. Le YouTube a l'air... Il rush aujourd'hui. Il est possible que si vous nous écoutez en direct, vous ayez des problèmes, de son. C'est ça. Des problèmes de son ou des coupeurs parce que Ah, regarde, comme là, si j'ai fait un refresh, c'est marqué « Please stand by, we're experiencing technical difficulty ». Bon, ben on s'excuse pour les gens qui nous écoutent. Ça risque de couper dans le son aussi. Hein. Non, mais non, là, on va l'avoir. Oui, oui, au début, c'est correct. Excellent. Attends, continue, puis je vais essayer quelque chose. OK. Dernièrement aussi, Apple a acquis une compagnie. On en a parlé un petit peu au dernier podcast l'année passée. Les 15 compagnies que Apple avait achetées, il y en a une dizaine là-dessus qui sont connues. Et on a appris dernièrement qu'ils avaient acquis une compagnie composée d'une seule personne qui a fait une application qui s'appelle Snappy Lab. SnappyCam, en fait, de la compagnie Snappy Lab. Et cette application-là permet de prendre des photos en rafale. Actuellement, si vous avez un iPhone 5S, vous êtes capable de prendre des photos en rafale en laissant votre doigt sur le bouton, ce qui permet, en fait, puis il y a même un logiciel à l'intérieur de l'appareil qui choisit la meilleure photo, celle qui est le moins flou. Et par la suite, si vous voulez aller en chercher une autre dans le paquet de photos que vous avez pris, vous pouvez le faire. Eh bien, quand on laisse son doigt, ça prend une dizaine de photos par seconde. Cette personne-là, en ayant seulement accès au logiciel que Apple fournit, a réussi à faire une application qui permet de faire une soixantaine de photos la seconde. Donc, ça peut... évidemment, il faut descendre un petit peu la résolution, mais sinon, je pense que ça fait solidement 30 frames par seconde. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Des photos très, très clean. Puis l'application est très intéressante. Donc, j'imagine que Apple va vouloir intégrer cette technologie-là au prochain OS. Quand ça va sortir probablement l'année prochaine. Commencez pas tout de suite à nous poser des questions sur OS 7. Là. On n'a pas fini on n'a pas fini de voir iOS 8, on n'a pas fini de voir iOS 7. Je regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que dans le document, on n'avait plus de nouvelles. On passerait aux découvertes. Puis on a juste fait 24 minutes de show à date. Oui, ben de toute façon, on a beaucoup, j'en ai beaucoup à montrer quand même avec OpenEMU. Ah oui, OK. Fait que j'en ai reparti à un autre. Là. Excellent. Je vais changer tous les liens dans le... Brièvement, en fait, il y a la vénérable norme PATA ou ATA, là, celle ouais. qu'on connaissait, le parallèle ATA. Le dernier appareil qui avait eu ce type de disque-là, si je ne me trompe pas, était l'Apple TV, la première génération. Et elle va disparaître parce qu'ils vont cesser le support sur ces disques-là. Donc, le 29 décembre, en fait, c'était la fin du PATA. Est-ce que je diffuse encore? Non, je sais pas si c'est peut-être le fil réseau qui rush ou je sais pas trop quoi, parce qu'il est beaucoup twisté. Hein? C'est comme... Ah, peut-être. Ça se peut que ce soit ça. Je pense que je vais le changer. Attends un peu. OK. On continue à enregistrer pendant ce temps-là. Ouais, mais tu peux attendre. OK, je vais attendre. Personnes qui écoutent. Ils ne voyaient plus rien parce que j'ai tout fermé. Okay. J'ai fallu que j'en parte un autre. 1, 2. Bonjour tout le monde, on est désolé, on a eu un petit pépin technique ici, un câble réseau récalcitrant. Récalcitrant, voilà. Exactement. Récalcitrant. Voilà. Donc, j'étais en train de vous donner les dernières nouvelles. Apple a gagné pendant aussi la période des fêtes. Une nouvelle qui est sortie sur Mac CNN le 24 décembre. J'aime beaucoup rapporter les nouvelles de les patents, comment ça s'appelle en français? Pas les copyrights, là, mais les droits, les brevets. Les brevets, les brevets, voilà. Et Apple a gagné un brevet, en fait, sur plusieurs choses, dont le toucher et... comment je pourrais dire en français, là? Toucher, mais on est un peu surélevé d'un écran et l'écran est quand même capable de nous détecter. Ah. Donc, Apple utiliserait ça pour peut-être faire un déplacement de curseur dans certaines occasions. Par exemple, pour du dessin, ça serait vraiment très, très chouette de ne pas avoir à mettre son gros doigt dans l'écran. Et ils ont aussi eu un brevet pour un moniteur de battement de cœur. Okay. Donc, on voit en fait où est-ce que Apple s'en va avec tout ça. Puis, il y a des rapports qui sont sortis dernièrement aussi à propos de la mythique iWatch, là. C'est presque rendu un running gag, comme le téléphone à comme l'époque. Comme le téléphone à l'époque, c'est comme... ça va-tu vraiment sortir? Avec les gens que Apple a engagés dernièrement, on s'entend en fait qu'ils mettent de l'argent pour que le produit avance dans la bonne direction. Il y a des gens qui ont été engagés, qui travaillaient sur les projets de Nike, entre autres pour le bracelet. Il y a quelqu'un de Burberry, mais qui a plus été mis pour les boutiques, elle. Mais on voit qu'il y a quand même un souci puis une compréhension du produit qui est une montre, qui est aussi un objet de luxe. Okay. Et je pense que Apple va vouloir fabriquer un objet de masse, mais qui est très, très beau aussi et qui va plaire à beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu as vu la nouvelle passée? Si tu demandes à Siri en anglais, Siri, are you her? Parce qu'il y a un film récemment qui est sorti avec Joaquin Phoenix, si je ne me trompe pas, et qui est en fait... pas l'affaire de l'intelligence artificielle? Oui, exactement. Et si tu lui demandes, il va te dire non. Je pense que ce truc-là amène une mauvaise presse à l'intelligence artificielle. Ah oui? Oh, oui. Puis en français, est-ce que ça marche? Non, je l'ai essayé, ça ne marche pas parce qu'il ne peut pas comprendre her. Okay, ouais. Mais si votre téléphone est en anglais et que vous lui demandez « Siri, are you her? Ben, » on peut l'essayer? Tu es en anglais? Ben, je l'étais, mais ça prend 2 secondes. Ah, OK. Ça prend 2 secondes. Changer la voix de Siri. General. Siri. Anglais. Siri, are you her? I can't answer that. Je vais essayer. Siri, are you her? Siri, are you her? On voit qu'elle est très évoluée. Probablement que si tu y poses plusieurs fois, éventuellement, peut-être, il va commencer. Parce qu'il y a des gens qui sont en arrière de Siri et qui donnent une personnalité à Siri. Il y a eu des offres d'emploi qui ont été faites en milieu d'année passée. Attends, je vais le mettre en canadien. Je l'avais mis en États-Unis. Ah, peut-être tu penses... qu'en canadien, t'as peu. Siri, are you her? I'm sorry, master. I'm afraid I can't answer that. Ah, c'est comme ça que tu lui as demandé de t'appeler, hein? Non, ça, c'est Jean-Michel. Qui a dit « Call me, master ». Ouais, puis je sais pas comment l'enlever. Ben, tu lui dis « Call me, Jean-François ». Ah, OK. Mais elle va t'appeler Jean-François. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour les petites nouvelles. Sinon, en fait, il y a Adobe qui a donné son avis sur le nouveau Mac Pro et qui a dit ben, que c'était pas si important que ça de prendre la grosse carte vidéo parce que Photoshop serait déjà optimisé pour utiliser la carte vidéo, mais pas les D700 puis les D500. Pas la D700, mais la D500, ça ferait l'affaire. Okay. Donc, de toute façon, je pense que du côté de Apple, le Mac Pro n'est pas une bête qui est destinée aux gens qui vont faire du Photoshop. C'est-à-dire que c'est plus pour les monteurs vidéo, pour les gens qui vont vraiment travailler le 4K, puis le prochain contenu vidéo qu'on va avoir ou audio. Pour ce qui est de travailler avec du Photoshop, des trucs comme ça, le iMac bien boosté fait probablement l'affaire. Oui, c'est ça. Ben oui, mais on avait vu, je me souviens plus ça, on avait déjà parlé au dernier podcast. Le 27 pouces, le dernier iMac, boosté au max, à peu près le même équivalent en termes de puissance. En termes de puissance que le Mac Pro. Le premier, par exemple. Le premier, la version de base. Pas, si on met 10 000. Ouais, c'est ça. Là, on s'énerve. Là. Mais c'est quand même. Non, c'est une belle machine. T'sais. C'est comme. Faites-moi pas gagner de l'argent parce que c'est clair que. C'est là-dessus que ça s'en va. Mais tu sais, c'est une belle. Tu sais, tu peux l'emmener avec toi, là. T'sais, où est-ce que tu. À Star, où tu vois, ils ont des TV partout. Tu sais, t'emmènes juste ton fil HDMI, ton fil de courant. Puis le reste, merci, bonsoir. Là. Ouais. C'est juste ça. Puis tu sais, t'as ta petite boîte qui est ici. Puis. Voilà. Voilà. Puis avec les télévisions 4K qui vont sortir, qui vont être à une résolution qui est intéressante pour un ordinateur, là, à ce moment-là, tu le plugues en HDMI sur une télé 4K. Tu me fais penser à ça en parlant de TV 4K et Mac Pro. J'ai lu un article aussi que certains écrans 4K n'étaient pas supportés comme il faut dans la version du Mac Pro. Fait qu'on dirait qu'Apple n'ont pas mis toutes les dernières mises à jour des versions 4K de n'importe quelle compagnie qui en sortent présentement. Okay. Comme la sienne, c'est sûr, ça, c'est sûr que ça fonctionne. Mais il n'y a pas d'écran 4K chez Apple actuellement. Non, mais celles qui vendent avec le MacBook. Ouais, ouais, et le Sharp. Le Sharp à 3000, je ne sais plus trop combien de dollars. Il y avait beaucoup de télé qui ne sont pas supportées. Fait que la résolution n'était pas optimale quand ils ont fait les tests avec, Je pense qu'il va falloir attendre une mise à jour du port HDMI à la version 2.0. Oui. Là, c'est quelle version, là? 1.4. 1.4. Si je ne me trompe pas, les ports qui sont dessus vont pouvoir être mis à jour puis ça va fonctionner en HDMI 2.0, mais je pense que c'est les hertz qui sont très, très basses. Donc, le taux de rafraîchissement de l'écran qui est pas agréable, en fait, parce qu'à 30 hertz, je pense que ça sortait. C'était lent, là. Il faut que ce soit 60 ou 120. C'est au moins 60-120. C'est mieux 120. Là. Voilà. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. On va passer à nos découvertes et applications après le petit spot publicitaire. Mac Québec, le podcast. Besoin d'aide pour votre réseau informatique? Faites appel aux experts de ClickPom, entreprise spécialiste en solutions informatiques des produits Apple. Que vous soyez un professionnel ou une entreprise, ClickPom peut vous aider dans l'intégration, le déploiement et le support de votre parc informatique. Visitez notre site web pour plus de détails au www.clickpom.com. ClickPom, le meilleur de la pomme. Sans les pépins. MacQuébec.com. Nous voilà de retour, en fait, pour le segment des découvertes et des applications. Est-ce qu'on vous parle un petit peu de nos découvertes? Jean-François, tu as quelque chose à nous présenter, en fait, avec lequel tu as joué pendant pas mal toutes tes vacances de Noël. De Noël. Et je joue encore avec, parce que j'entends les gros jeux sur ma PS4. Excellent. C'est ça, il n'y a pas de grand jeu actuellement. Il n'y a pas grand-chose. Donc, tu nous parles de OpenEMU. Qu'est-ce que OpenEMU? Je n'avais déjà parlé il y a environ 2 ans et demi. C'est vrai? Oui, okay. Je n'avais déjà parlé dans un podcast. Fallait le compiler avec Xcode dans le temps. Ah, OK. Puis ça fonctionnait très bien. Mais maintenant, la version finale est sortie, version 1.1, mais là, il y a eu une mise à jour. OK. Qui corrige quelques bugs, mais rien de. Rien d'énervé comme, non, c'est ça, comme nouvelle fonctionnalité. C'est. Dans le fond, c'est une bibliothèque de ROM. Qu'est-ce qu'un ROM? C'est un jeu d'ancienne génération de consoles Nintendo, Nintendo 64, Sega Genesis, Sega CD, name it. Là. Qui est comprimé pour le mettre en fichier. En fichier, oui, okay. C'est ça, exactement. Et on peut y jouer sur un Mac. OK. J'ai essayé beaucoup de logiciels sur Windows. Ouais. Et celui-là, c'est un tout en un. Parce okay. que sur Windows, il n'y en a pas. Faut que tu télécharges, mettons, ce jeu au Super Nintendo, SNES et 9X. Sur un NES, en tout cas, name it aussi. Là. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que chaque émulateur que tu voudrais... est inclus dans ce petit logiciel-là. Tu as le Game Boy, le Game Boy Advance, le Game Gear, le Neo Geo Pocket, le Nintendo DS, le Sega 32X, Sega Genesis, Sega Master System et le Super Nintendo. Donc, ça fait une dizaine de consoles sur lesquelles vous pouvez jouer à vos anciens jeux. Et en fait, le OpenEMU, c'est le logiciel qui les fait rouler, là, c'est ça? Tu veux nous montrer ça sur la télévision? Ouais, je vois. Regarde, je vais le tenir. Attends un peu. Puis là, tu vas changer la caméra. Ah oui, OK. Tu vas changer la caméra. Ah, ben, gars. Ah non, ça se casse. Il se rend pas. Tiens. Je vais le reculer un peu. Encore un peu. Comme ça. Ça devrait être pas mal. Puis on va voir ma grosse face. Hey! On voit ta grosse face. Transition, on a presque l'air de pro. Qu'est-ce que tu as de besoin? Peux-tu partir de l'Apple TV? Elle vient justement de se fermer. Parce que ça fait plus qu'une heure. Voilà. Donc, notre Apple TV, tu vas prendre le contrôle avec AirPlay. Bon, je n'ai pas mon fond d'écran, là, parce que moi, c'est aléatoire. Mes fonds d'écran. Fait que... C'est pas choisi, là. Non, c'est aléatoire. Donc, on a ici, en fait, tu es allé dans... Oh, il y a le Nintendo 64 quand même. Oui. Mais donc, GoldenEye, le mythique GoldenEye. OK, il y a deux versions. De GoldenEye? Non, il y a deux versions d'OpenEMU. Il y a la version, de base, okay. La 1.0, ouais. Et la version expérimentale. La version expérimentale offre un petit peu plus de... Comment qu'on pourrait dire? Tu as plus d'émulateurs. Tu as le Virtual Boy, tu as le Nintendo 64... Je vais te montrer ce que j'ai comme émulateur. Parce que tu es allé enfermer, toi. Ouais, parce que là, il y en a des. Il y en a qu'on s'en fout. Ouais. Le 32X, là. Je vais aller le chercher ici. Je vais le transférer ici. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit moyen. On voit moyen. Si on fait ça de même, puis on le fait ça. Non. On va essayer. Dans la librairie. Tu as dans la version expérimentale beaucoup plus. Attends une minute. Arcade, le SG-1000, le Atari 2600, le 5600, descend, le Atari 7800, le Atari Lynx, le ColecoVision, ça c'était ma console. Ouais. Le Famicom Disk System, le Sony PSP quand même. Ouais. Sony PlayStation. Ouais, PlayStation 1. Game Gear, TurboGrafx-16, puis Neo Geo, ouais. Le Vectrex, j'ai aucune idée de qu'est-ce moi que non c'est. Plus, je sais le pas WonderSwan, puis le PCFX. Ouais, c'est ça. Ben moi, j'ai activé ceux que je voulais, parce que là, on s'entend que... Il y en a dont tu t'en fous. C'est ça, exactement. Et là, j'ai emmené avec moi ma fameuse manette PlayStation 3, parce qu'on peut connecter... En Bluetooth à ton ordinateur. À mon ordinateur. Fait qu'on va la connecter. On peut aller dans « Contrôle » ici et on va aller chercher. Donc, on change l'input. On va aller chercher. Puis, on a le 6-axis, justement, qui est là. De Sony. Excellent. Et là, je vous le dis, là, ça va peut-être laguer là, parce que là, c'est en AirPlay et ça rush un peu. T'sais. Je veux dire, je le branche carré en HDMI sur mon écran. Ah, c'est une bonne idée, oui. Parce qu'en AirPlay, c'est le fun, mais sauf que ça lague. Oui. C'est comme... Fallait faire des changements au niveau du graphisme? Non. Ah, tu veux fermer le son? Ouais, c'est ça. Ça roche, là, parce que... Il ressemble à peine. Ah non, OK, il ressemble. C'est bon. À Jean, là, calme-toi. Ouais, c'est ça. Il est à l'envers? Je sais pas, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a certains jeux que je suis pas capable de jouer avec, mais je comprends pas. Bref, c'est expérimental. Ouais, toi, en fait, c'est une version expérimentale que tu as, donc c'est peut-être ça qui explique. Mais je peux vous en montrer un autre. Je vais vous montrer. Attends, je vais te montrer Super Mario. Mario 64. Qui fonctionne bien. Ouais, lui, j'ai pas de trouble. Ça fonctionne numéro 1. Fait qu'on va prendre. Mario. Ouais, ouais. On va y faire oui, parce que il sauvegarde automatiquement ta dernière partie. Ah! Et tu vas. Hey, c'est impressionnant quand même comment ça fonctionne bien, hein? Là, j'en entends. En fait, il n'y a personne qui chatte, mais j'en entends beaucoup nous demander oui, mais où prend-on les rums? Ah là! On ne peut pas vraiment le dire, en fait. Les rums, c'est un peu une zone grise juridiquement parlant. Si vous avez le jeu, théoriquement, vous possédez la licence, donc vous pourriez aller chercher le rum sur les internets, mais disons que sur. iTunes.videotron.com, il y a un package, là. Donc, c'est ça. Quelle adresse, déjà? iTunes.videotron.com. Ah, OK. Non, la baie des pirates, maintenant. Oui, c'est ça, la baie. Moi, j'ai... C'est ça. Fait que, non, c'est ça. Je vais refermer la petite application. Je vais vous montrer. OK. Vous avez... Pourquoi c'est le package qui n'avait pas toutes les... Qui n'avait pas toutes les covers. Ça, c'est un bug aussi que j'ai trouvé. Si tu l'écris même comme il faut, puis tu fais, parce que tu peux télécharger les covers. Ah, OK. Mais même si tu l'écris comme il faut, comme le nom, il va pas. Bon. Il va pas chercher. Fait que moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai été sur Internet, j'ai été me chercher les covers. Des jeux avec lesquels tu voulais jouer. J'ai téléchargé l'image, je les ai installés là-dessus. Okay. Mais c'est ça, ça fonctionne pas tout le temps. Fait que... même pour les chansons, pour les MP3, ça n'a jamais comme non, même fonctionné sur iTunes, à 100%. Là, non, c'est ça, ça n'a pas fonctionné à 100%. C'est ça. Là. Fait que vous avez ici, j'ai le Super Nintendo aussi. On a le fameux Zelda. Link to the Past, okay. C'est un must. Un des meilleurs jeux, oui. Un des meilleurs jeux et aussi... Dans les ROMs sur lesquels je suis tombé, il y a Bionic Commando qui est un de mes jeux préférés. Oui, c'est vrai. Qui est très, très bon sur Nintendo. Oui. Il y a le Nintendo, évidemment, le Super Nintendo, il y a Link to the Past. Puis si tu as le Nintendo 64, il y a le Link... Il y a le Zelda aussi sur Nintendo. Ocarina of Time. Moi, j'ai recommencé à jouer à Super Metroid. OK. Ça me... Avec Samus? Avec Samus Aran, qui est une femme, pour ceux qui ne savaient pas, à la fin du premier. Spoilers! Fait que... Mais ça fonctionne bien, c'est ça qui est le fun. Regarde, je vois. Bijou, bijou, bijou, bijou, bijou. Tu sais, c'est beau, là. OK, on s'entend, là. Ben, c'est beau, c'est 1900... Mais ça fonctionne très bien, là. Regarde, comme je te dis, c'est ça. On aurait pu inviter Papa Cassette de Rétro Nouveau. Ah, ben oui, c'est vrai, on aurait pu l'inviter. Mais c'est ça. Fait qu'en fin de compte, ça fonctionne très bien. Il y a quelques ROM qui fonctionnent pas. S'il y a le PlayStation 1, il y a Symphony of Time. Symphony of Castlevania. Oui. Ouais. Ah oui, OK. C'est bon. Est-ce que je fais ce soir? Oui. Ben, je dois l'avoir. Ah non, je ne l'ai pas, PSP. Pour le PlayStation, t'en as non, pas. Non, j'en ai pas. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma petite découverte. C'est un must. Pour ceux qui aiment les jeux rétro, comme notre génération, nous autres, qui a connu Nintendo, puis name it. Puis, c'est vraiment. Le gars, là, il a mis du temps là-dessus. Là, puis, tu peux aller le voir sur son site. Il met tout le temps son logiciel à jour. Mm-hmm. Parce que. C'est quoi? GIMP? Je pense que c'est GIMP ou whatever, je me souviens plus. Tu vois tous les fichiers qui sont mis à jour, puis tu vois que le gars travaille beaucoup dessus parce que les fichiers sont souvent mis à jour. C'est marqué été mis à jour. J'ai réglé tel problème. Exactement. Comme une espèce de subversion. Ouais, c'est ça. Puis il va pousser les mises à jour. Comme il y en a une qui est sortie en fin de semaine, je pense, ça fait juste corriger les petits bugs d'affichage, d'affaires-là, mais pas. Parce qu'il va chercher déjà les émulateurs sur Internet. Oui. il les intègre dans son logiciel. Mm-hmm. Mais là, dans la prochaine version, il va sûrement... parce que ça vient automatiquement avec la dernière version de tous les émulateurs. Ouais. La prochaine version qui va sûrement sortir, peut-être qu'il va, nous mettre d'autres choses de nouveau dedans. Parce qu'on peut jouer avec des jeux de Wii. Mm-hmm. On peut jouer avec... Il y aurait des jeux de Wii? Pas sur celui-là. Mais il y a des émulateurs qui le permettent. Sur okay. OS X, c'est Dolphin. OK. Ça s'appelle Dolphin. Bonne chance, vous êtes mieux d'avoir une bonne machine. Oui. Parce que ça atteint du jus côté graphique. C'est ça. Un must à avoir, c'est mon application... ça a sorti en 2014? 2013. 2013. Parce que... En version 1, en tout cas. Ouais, ça faisait un bout que ça existait. Mais j'ai vraiment aimé. Puis le gars, je pense que je me souviens plus quel âge que j'avais checké à un moment donné. Puis il n'est pas vieux. Là, il n'est pas vieux. Non, il n'est vraiment pas vieux. Un tripeux de jeux rétro. Oui. Pour ma part, en fait, il y a un petit projet sur Kickstarter que j'ai trouvé très intéressant. Je les reçois souvent. Tu peux changer la caméra, Jean-François. Wow. Je les reçois souvent par courriel et c'est le projet Kickstarter qui s'appelle Torso. Souvent, en fait, vous cherchez probablement que... En fait, c'est le vidéo Kickstarter est vraiment monté comme un infopub. Là. C'est comme, vous aussi, vous avez des problèmes quand vous cherchez votre câble Lightning. Puis là, quelqu'un, il ouvre sa valise puis il tire son câble Lightning sur lequel ils ont attaché plein de cossins. Puis là, il se retrouve avec une espèce de guirlande tout croche. Donc, le projet Torso, en fait, c'est un câble d'à peu près 6 pouces de long et qui est rigide dans un premier temps. Donc, la portion du câble est rigide et il y a deux pattes, si on veut, qui sont à côté sur ça. Donc, ça a un style un petit peu spécial, mais c'est très petit, hyper transportable. Et ce que ça permet de faire, c'est d'utiliser les deux pattes pour, en fait, fabriquer un trépied avec le câble qui est rigide, avec les deux pattes, et d'avoir un téléphone qui est tenu par son câble Lightning. Donc, ça permet de brancher le téléphone, de le brancher même en courbant le câble. Par exemple, si tu le mets dans le mur avec ton petit adaptateur, ben, tu le courbes, puis là, ton téléphone, il est comme debout. Okay. Fait qu'il y a une présentation un petit peu plus cute. Et comme le port Lightning... et va pas très profondément dans le téléphone, il y a une espèce de monocle de plastique qui tient le téléphone. Je pense qu'ils vendent ça autour de 23$, mais pour les gens qui se promènent, ça peut être vraiment très intéressant. C'est ma petite découverte. Sinon, en fait, ben on a sorti... c'est le CES à Las Vegas en ce moment. Et il y a une sorte de choses. Il y a n'importe quoi qui sort. On a sorti, en fait, ceux qui étaient les plus intéressants ou les plus ridicules, tout dépendant, pour les produits Apple. Tout d'abord, en fait, il y a deux trucs qui m'ont été envoyés aujourd'hui. Évidemment, c'est apparu dans nos feeds RSS, mais Jonathan Laberge, encore une fois, m'a approché. Et il y a Mophie. Lui, il y a un case Mophie. Moi, j'en ai utilisé un beaucoup à l'époque dans mes anciens téléphones. Puis je veux m'en reprendre un pour mon iPhone 5 parce que la batterie, ça plante. Mais c'est probablement le case batterie qui est le mieux fait actuellement sur le marché puis qui fonctionne le mieux. Ils viennent d'annoncer au CES un case batterie qu'ils vont vendre autour de 150$. Mais la petite twist, c'est qu'il y a un 16 gigs supplémentaire dans le case qui est utilisable par le téléphone et qui vient avec une application là, pour aller naviguer. Okay. Donc, tu pourrais mettre quelques films sur ton 16 gigs puis aller les lire ou whatever par l'application qu'eux développent. Donc, ça, c'est pas mal intéressant parce que tu as la batterie puis tu as l'espace disque en plus. Et ça, c'est un autre truc qui n'a pas été présenté au CES, mais qui m'a montré. Ça, c'est un peu plus ridicule. Lui tripait. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Mais c'est un rack pour mettre ses œufs. Ça s'appelle le Egg Minder. Et quand tu mets tes œufs dedans, en fait, je pense en fait que l'endroit où tu les mets, c'est enregistré dans une application. Tu leur dis quand est-ce que tu penses que ces œufs-là vont être passés date. Puis en fait, c'est pour c'est pour être sûr de faire une rotation de tes œufs comme du monde, puis de pas avoir un œuf qui a un poussin dedans finalement. Donc c'est le Eggminder, 70$ si vous avez. Ben je sais pas si vous avez quelqu'un qui se fait des shakes le matin, puis qui veut pas avoir des œufs pourris, ben ça peut être un cadeau intéressant. Mais j'ai pas vu aussi une mijoteuse intelligente. On en reparle un peu plus. Ah loin. Ok, c'est beau. Donc ben c'est ça. En fait, au CES, Apple est pas là directement. C'est des fabricants, c'est les gadgets consumer qu'on va voir apparaître dans les magasins pendant l'année. Il y en a qui vont peut-être apparaître seulement en septembre prochain sur les tablettes, mais on les présente déjà. Donc, évidemment, cette année, là, l'année passée, on présentait les prototypes d'écrans 4K. Là, cette année, normalement, on aurait dû présenter... Bon, évidemment, ils sont allés avec... Samsung a présenté un écran de 110 pouces, ouais. 4K. LG est allé avec un écran courbé, mais... Flexible. Alors que Samsung est allé avec un écran un petit peu plus grand, mais courbé. Donc, c'est ce qu'on a vu apparaître. Et on commence à voir apparaître les écrans 4K, mais ce qu'ils appellent consumer. Des appareils, en fait, qui vont se vendre autour de 999$ ouais. pour une télé de 30 quelques pouces. On a vu aussi des écrans d'ordinateur 4K à 800$ sortir. Autant dire qu'Apple est mieux de se grouiller pour sortir leur propre écran 4K, parce qu'un écran Thunderbolt à 1000$, ça vaut plus la peine. Ça vaut plus la peine, exactement. C'est comme... parce que l'année passée, c'était le 3D. Ils nous rentraient ça dans le fond de la... Non, c'était l'année d'avant. Ben, l'année passée aussi, ouais. Ils ont été forts sur le 3D. Okay. Là. Ils ont mis beaucoup de télé 3D. Cette okay. année, c'est la norme 4K qui s'en vient, oui. Mais qui est déjà ici. Si vous avez jamais vu une TV 4K encore, je vous... Ça vaut la peine. Allez voir la maison Sony si vous en avez un proche de vous, là, proche de chez vous, là, puis allez voir la TV qui a la télé 4K, là, puis vous allez voir un match de. Je pense que c'est un match de soccer ou de football, je me rappelle plus, là, mais c'est débile. C'est l'image, là, c'est. Tu peux. À côté, tu pensais que dans le temps, ton 1080p, il était malade, hot. Là. Mais là, quand tu arrives devant ça, puis tu mets un 1080p, puis un 4K à côté, tu te dis, ben voyons donc, c'est le jour et la nuit, là. C'est comme... Il y a même eu une présentation, je me souviens pas si c'est pas de Sony ou d'une autre compagnie, mais eux autres, ils ont une télévision prototype de 8K. Puis, 8K? Ouais, 8K, puis c'est pas prêt encore, c'est vraiment un prototype, mm-hmm. là, mais... Early, là. Ben, c'est comme hier, j'écoutais la présentation de Sony hier soir. Ouais. Sony vantait encore le mérite du 4K. Ils ont sorti aussi un nouveau format, le iRes Audio. Okay. C'est un nouveau format que Sony propriétaire a fait. Mm. D'après moi, ils vont l'étendre à plusieurs, parce qu'ils l'ont mis dans des mini-chaînes stéréo et okay. des affaires-là. Ils ont sorti aussi des handicams, là, tu sais, les petites caméras. Mais 4K. Mais 4K. Là, à 2000$. Ouais, à 2000$. C'est gros de même. Ouais, c'est vraiment pas gros. C'est vraiment pas gros, là, tu sais. Mais c'est juste une question de capteur, là, tu sais, c'est les mêmes caméras. Exactement, c'est ça. Mais tu sais, parce qu'ils faisaient la différence entre ce qu'ils ont présentement, Sony, avec leur caméra 4K, elle était grosse de même, puis là, elle est rendue petite de même. Tu sais, c'est 2000$, là, mais ouais. On s'entend que. C'est ça, ça a fait comme l'évolution des télés LCD Dell, ces affaires-là. Au début, c'était wow, c'était le prix est exorbitant. Mais mm-hmm. maintenant, tu peux t'acheter une télé pour une 400$, là, puis intelligente, full kit. Là. Mais non, c'est ça. Fait que ça baissera peut-être pas cette année, les prix, là, peut-être l'année prochaine. Oui. Parce que là, ils sont pas tout encore arrivés. Il n'y a pas personne qui a encore des 4K à part le Sony. Pis, Mais il y a beaucoup de compagnies chinoises qui arrivent sur le marché et ouais. qui poussent les prix vers, ouais, vers que, le bas. On a vu Polaroid sortir une oui. télé à 900$, je pense. Je me souviens plus. Je pense que c'est 900$. Et ils ont mis le nom sur une TV chinoise. Faut faire attention, en fait. C'est la marque qui a été rachetée. Polaroid, en fait, s'est mis sur la loi de la protection de la ouais. faillite en 2013. Et c'est une compagnie chinoise qui a racheté. D'ailleurs, en fait, il y a une petite caméra qu'ils ont sortie qui est toute mignonne. En fait... Tu sais, si tu veux une caméra de sport, tu vas avec une GoPro. Mais si tu veux juste une petite caméra que tu places à différents endroits, tout ça, puis ils sont de couleur, ils vont être vendus 99$. C'est des petites caméras vidéo là, okay. Qui font du film. Puis c'est assez cute. Et je pense que c'est même capable de diffuser sur Internet, si je me trompe pas. Ah. Bouge pas. Attends, je vais aller chercher la nouvelle. Including another Rebel new 35 mm caméra called the C3. Ça va être 35, ça fait du 1280x720 ou du 640x580. Et ça prend des images fixes de 5 mégapixels. C'est waterproof jusqu'à 2 mètres. Donc, ça peut être cool d'aller, pour les gens qui font de la plongée sous-marine, des trucs comme ça, ça peut être très intéressant. Et il y a 2 mégs de mémoire interne, ce qui est vraiment pas beaucoup. Non. Mais il y a une slot pour une micro SD. Et on peut mettre 32 gigs dedans. C'est bien. Il y a une petite LED aussi lumineuse et un microphone. Fait qu'on est capable de vraiment faire du film. Donc, c'est intéressant. Le CES aussi, on a vu Lassie qui a lancé un disque Wi-Fi pour iPhone qui s'appelle le Fuel. Donc, ça semble être un disque très rigide. Je me souviens plus, je pense que c'est 1 Tera. Qu'il y a dedans. Et il est Wi-Fi. Il peut servir jusqu'à 5 personnes qui peuvent se connecter dessus et consommer le contenu qu'on aurait sur ça. Donc, tout à l'heure, on parlait d'un case Mophy avec 16 ou 32 gigs. Là, c'est un peu le même concept, except la batterie, mais on a 1 Tera, donc on peut mettre la collection complète des films de Disney là-dessus et plus entendre les enfants de toutes les vacances avec ça. Il y a, si je ne me trompe pas, c'est Patrick Ducharme ou Jean-Michel qui avait fait un article sur Mac Québec à propos d'une solution similaire. Je pense que c'est Western Digital qui offrait un disque dur Wi-Fi dans le même genre. Vous pouvez le trouver sur le site de Mac Québec. Mais c'est des produits qui sortent beaucoup ces temps-ci. Moi, je n'ai pas encore vu l'intérêt, d'un produit comme ça. Un disque dur externe qu'il faut que tu recharges, ça fait ça de plus. Ouais. C'est fatigant, mais si on en a de besoin, il faut... C'est comme... Tu peux mettre la bibliothèque de photos dessus, par exemple. Oui, tu peux mettre ta bibliothèque. C'est comme aujourd'hui, la carte mémoire Hi-Fi pour les caméras photos. On a sorti la version desktop de leur application. OK. Auparavant, c'était juste sur nos iPhone. Android? Non, iPhone. Oui. Ça se connectait, tu connectais ton téléphone au réseau de la carte parce qu'elle possédait son propre réseau. Elle avait son Wi-Fi. Web, OK. Et ce matin, ils ont annoncé la version bureau de l'application. Ah. Fait qu'on n'est plus obligé d'être sur le téléphone. Vous pouvez vous connecter. Ou sur le réseau. Ouais. Tu peux l'envoyer directement dans ton ordi. Longtemps là, que. C'est ça. Fait que là, l'application est en version bêta. OK. Mais moi, je vais sûrement m'en acheter une petite carte de même là, parce que je trouve ça pratique. Là. C'est comme, tu sais, ça se transfère automatique. Puis merci, bonsoir. Mm-hmm. Mais non, c'est ça. J'ai vu ça ce matin. Puis je trouvais ça bien, bien le fun. Est-ce que tu sais ce que c'est le PowerMate? Tu rapportes du courage? Non. Oh. Le PowerMate, c'est un produit qui est sorti il y a à peu près 13 ans. C'est Griffin qui a fait ça. Et tout ce que c'est un bouton. Tu sais, les anciennes chaînes stéréo, le bouton volume, tu y donnais un swing, les bonnes chaînes stéréo, tu tournais, tu y donnais un swing, puis il continuait à tourner sur lui-même. Ben, c'est juste un bouton comme ça qui se branchait en USB. Et là, au CES, cette année, Griffin, qui est la compagnie qui le fabrique, a sorti le bouton, mais la version Bluetooth. Donc, c'est un bouton qui va être vendu autour d'une centaine de dollars. C'est quand même assez cher pour un accessoire. Bye-bye. Ça se met au téléphone, donc je ne sais pas qui c'est. Le bouton va être vendu, si je ne me trompe pas, c'est une centaine de dollars. Et il se connecte en Bluetooth. Il y a une petite lumière bleue dessus qui peut être programmable, c'est-à-dire qu'elle peut flasher d'une manière ou d'une autre si tu reçois un email, un tweet ou des trucs comme ça. Donc, ça peut servir de témoin lumineux et ça peut contrôler un paquet de trucs. Ça peut contrôler le son d'à peu près toutes tes applications, mais ça peut être aussi un bouton qui est utilisé par les gens qui font du montage vidéo pour... Avancer, reculer. Exactement. De un frame à la fois. Ouais. Donc, c'est assez sensible pour ça. Fait que ça peut être un produit qui est intéressant, mais ce que je voulais ce que je voulais souligner, c'est le fait que le premier produit qui est sorti a 13 ans, ce qui est quand même très, très long en informatique. Il y a aussi la compagnie Oli qui a sorti, on le sait, là, dans les Apple Store, il y a les lampes Philips Hue. Ouais. Qui sont vendus, bon, qui sont. Le kit de départ est autour de 200$. C'est un kit, il y a une base. Les ampoules électriques se branchent en sans fil à cette base-là. Et il y a une application iPhone qui permet de contrôler la luminosité, de programmer un certain nombre de choses. La couleur, effectivement. On peut mettre différentes ambiances. Et c'est un produit qui est très, très apprécié. Ben là, il y a une compagnie qui s'appelle Oli qui sort un produit qui est sensiblement... Ah non, excuse-moi. Oli, en fait, c'est un cadre. C'est un cadre qui est une lampe et qui se contrôle un peu de la même manière. Okay. Mais au lieu d'être des ampoules, c'est vraiment comme une veilleuse. Donc, c'est un cadre que tu déposes sur une table. C'est 20 cm de côté, 3 cm d'épaisseur. Les LED sont en arrière. Elles peuvent s'allumer de différentes couleurs. Et il y a 18 diodes qui sont installés là-dessus. Et ensemble, ça fait autour de 500 lumens. C'est pas beaucoup, mais ça fait une belle... luminosité pour, par exemple, une chambre d'enfant ou si quelqu'un veut lire, mais sans déranger l'autre à côté. Donc, va être vendu combien, c'est ce que tu le sais? Je ne sais pas encore combien il va être vendu. Ça consomme évidemment beaucoup moins qu'une ampoule électrique. Ouais. Donc, si cette année, vous êtes capable de faire le switch à changer aux ampoules LED, ça peut être intéressant. Quoique... J'aime pas cette couleur-là, moi. C'est, t'aimes pas le LED? Non. T'aimes pas comment ça allume? Non. J'aime pas. Je trouve que c'est agressant, je trouve, pour les yeux. En tout cas, selon moi, pour moi, je trouve ça agressant. Fait que moi, je suis encore aux bonnes vieilles ampoules chez nous. Là. Ben, c'est pas tellement un problème. Cette semaine, il y avait un reportage à Radio-Canada et il y a une ampoule électrique qui a été fabriquée dans le temps de Edison. Et ça fait 100 ans qu'elle brûle. Et l'ampoule électrique a été le premier produit à obsolescence programmée. Il y a eu une décision qui a été prise. Ils ont été obligés, en fait, de déconstruire l'ampoule pour dire comment on peut faire pour qu'elle pète après tant de temps et que les gens soient obligés de la changer. Parce qu'on aurait pu vendre des ampoules électriques qui durent 100 ans. Le concept de départ, c'était ça. Mais on a décidé de faire du cash avec ça. Et donc, est-ce l'obsolescence quoi, programmée... Ils ont-tu trouvé c'était quoi? Pourquoi l'ampoule brisait au bout de 1000 heures, mettons? Ben, en fait, c'est eux autres qui l'ont fabriqué comme ça. C'est pas comme un problème. Okay. C'est eux autres qui ont fait... Ils ont fabriqué le bidule avec un fil qui fait qu'il brûle au bout de tant de temps. Ils se sont rendus compte que s'ils faisaient le fil assez mince, ben après avoir brûlé tant de temps, il pétait de lui-même puis tu étais obligé d'en acheter une autre. Okay. Donc, la première qu'ils ont construite, ils ont fait super cool, puis ils l'ont regardé, ils ont fait comme « Non, je pense qu'elle ne s'éteindra pas. Mm. » Puis le gars qui l'a construit, il dit « Non, c'est pas fait pour qu'elle s'éteigne, c'est fait pour qu'elle s'allume. Mm. » Puis là, ils ont fait « OK, mais on peut pas faire d'argent avec ça. On va en vendre une à tout le monde, ça va être fini, tu sais. » Ben oui, c'est ça. Fait qu'ils ont fait « Faut qu'elle pète. » Puis là, c'est ça. Ils se sont creusés la tête pour que ça pète. Fait que c'est pas d'hier là, que les ordinateurs et les téléphones... Ben, ça doit être la même émission, parce que mon chum l'a écouté cette semaine aussi, puis il parlait des imprimantes avec la petite puce. Oui. Bon, puis il disait que c'était un Japonais qui a trouvé... c'était quoi la petite puce qui était capable de bypasser le reset de l'imprimante parce qu'après un certain temps, l'imprimante brise. En fait, c'est pas que l'imprimante brise, c'est que la puce a dit à la cartouche « imprime plus » sous prétexte que comme il n'y a plus beaucoup d'encre dedans, ça va faire une job de merde si tu imprimes un gros document. Puis là, oh, je suis rendu à ma page 46 puis il n'y a plus d'encre. Comme si tu n'étais pas capable de dire, ben réimprime de la page 32 à 48 là, après avoir mis une nouvelle cartouche. Donc, Epson a été poursuivi en justice, entre autres. Mais en fait, ils font à peu près toute la même chose. Ils font toute la même chose. Oui, oui. Puis en plus, c'est que l'imprimante, c'est un produit de consommation, en fait, qui est un peu bâtard dans le sens où on essaye le plus possible de se débarrasser du papier au profit de scanner nos affaires, les mettre dans l'ordinateur, les avoir dans une tablette, des trucs comme ça. Et c'est un produit, en fait, il n'y a personne qui a décidé de faire une bonne imprimante. On dirait que tout le monde font une imprimante, ça fait juste de la merde, les pilotes, c'est tout croche, t'as pas d'option. Tu sais, depuis 15 ans là, que j'ai été, moi, sur le marché de la vente au détail de produits informatiques, il n'y a pas eu de nouveauté là-dedans. Là. C'est vraiment un produit qui n'évolue pas. Année après année, ils disent on imprime mieux, on imprime plus ci, plus ça. C'est la boîte, là. Puis les logiciels, c'est vraiment pourri là-dedans. Ils pourraient faire quelque chose, tu sais. Le monde, il capote parce que faut de l'open source, puis faut du standard, puis des connecteurs standard. Fais donc une imprimante standard, tu sais, comme. Ben, j'ai vu, en parlant d'imprimante, une imprimante 3D aujourd'hui à 500$. Oh, quand même! Ça commence à descendre. C'est un projet Kickstarter? Non, ça a été annoncé au CES. Okay. Fait que 500$ pour une imprimante 3D. Fait que quand ça s'en vient. On parlait tout à l'heure de rétro avec ton Open Emu. Mm-hmm. Y a la compagnie Ion qui a sorti quelque chose. En fait, c'est rétro nouveau. En fait, on avait jusqu'à maintenant les bonnes vieilles cassettes avec un fil qui sortait. Si jamais vous aviez un automobile avec un radio cassette, il y en a des gens qui achètent des automobiles usagés ou très, très usagés et c'est juste ça qu'ils ont dedans. Donc, on avait l'espèce de cassette avec le fil qui sort. On branchait notre iPod là-dessus et ça permettait d'écouter notre musique dans la radio de l'auto. Eh bien, il y a Ion qui sort un cassette adapter, mais Bluetooth. Donc, on la rentre dans le radio, on connecte notre téléphone à ça et lui va s'occuper de diffuser dans la radio et dans donc les haut-parleurs de la radio notre musique. Donc, un bon tape desk. Exactement. Ça. Si t'as juste un ghetto blaster au chalet, t'achètes ça, tu mets ça dedans, puis tu peux streamer ta musique à partir de ton iPhone. Ben oui. T'en parlais un peu tout à l'heure, il y a la compagnie Belkin qui a un beau succès avec ses appareils de la gamme Wemo, qui sont des espèces d'appareils de domotique, mais relativement abordables. Et l'année passée, ils avaient sorti en fait une switch murale et un adaptateur secteur dans lequel tu branchais quelque chose et que tu pouvais contrôler par iPhone. Ouais. Là, ils ont décidé de partir en grand. Ils ont sorti, si je ne me trompe pas, un toaster, une cafetière et même un slow cooker. Donc, une mijoteuse que tu peux contrôler par iPhone. Puis j'en ai parlé avec mon collègue cette semaine. Puis j'étais comme, tu sais, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir comme une recette qui me dit, ben, c'est 6 heures, tu sais. Puis là, je me dis, ouais, mais si je la pars tout de suite, elle va être prête à 3 heures, ça va être dégueulasse à 5 heures. Fait que là, une fois, pour une recette, déjà que c'est dégueulasse de la bouffe dans un slow cooker, là, on va se le dire, là. Faut travailler fort pour faire quelque chose de bon là-dedans. Donc, une fois dans l'année, j'aurais parti un slow cooker par mon iPhone. Il va être vendu une centaine de dollars. Hey, imagine. Mais sinon, en fait, ce que tu fais, c'est que, en tout cas, habituellement, les slow cookers partent pas parce que tu le branches, faut que tu le programmes, mais tu peux avoir une mijoteuse, tu la mets à on, une bonne vieille mijoteuse, tu la plugues dans leur truc à 50$ qui peut servir à d'autres choses. Ben oui. Hey, voilà. Imagine, ça se peut pas. C'est comme Samsung, je pense, avec leur sécheuse que j'ai vue, whatever. Là. Ils sont capables de t'envoyer un message texte, la sécheuse, pour te dire que ton linge est sèche. Mais ça, va falloir que je m'en achète une, parce que je suis du genre à oublier mon linge dans la sécheuse, comme une couple de jours. Mais je veux dire, c'est comme, parce que là, c'est n'importe quoi, la sécheuse va te tweeter, Chris. Là, c'est comme... Ben, le problème avec ça, c'est que tu t'achètes une sécheuse, puis comme à tweet, ils vont te la vendre le gros prix, tu sais. Ben ouais. Mais si vous regardez sur Kickstarter, il y a un paquet de petits projets, en fait, des senseurs, des trucs comme ça, qui vont être en mesure de se brancher sur votre réseau, d'être préprogrammés pour vous envoyer un tweet, puis que tu vas mettre sur ta sécheuse que tu as actuellement, là, ta bonne vieille métal, 450$, pas cher. Puis ça vibre, cette affaire-là, quand ça fonctionne. Ouais. Fait que quand ça arrête de vibrer, tweet de quoi, tu sais, il fait comme... Ah, ta chaussure vient d'arrêter. Ou tu vas au magasin à une pièce, là, puis t'as les pomoromo, je sais pas, c'est les tomates, en fait, que tu crains. Oui, la bonne minute. Elle va sonner. Elle va sonner. Mais si tu veux un produit ridicule, il y a le Colibri. Le Colibri, c'est la première brosse à dents connectée. Donc, c'est une brosse à dents qui peut fonctionner pour 5 membres de la famille. Évidemment, on va changer les embouts. Ah, merci. Jean-François me regardait un peu dégueulasse, tu sais, comme écoute, écoute, je suis avec ta cousine si tu veux, mais partage pas ta brosse à dents. Donc, la brosse à dents va se partager. En fait, elle va faire en fait comme un Nike Fuel Band, c'est-à-dire qu'elle va regarder combien de fois par jour tu t'es brossé les dents. Est-ce que tu t'es brossé les dents assez longtemps? Puis elle va. Mais en fait, il y a des gens qui fonctionnent à ce genre de motivation-là, puis ça va envoyer l'information sur ton téléphone. Hey, ça se peut pas. Dans une application qui va te dire aujourd'hui, tu t'es assez brossé les dents. Ouais. Ça se peut pas. Tu t'es assez brossé les dents. Je comprends qu'on veut transformer notre monde en connecté puis tout ça. Je trouve que ça peut être intéressant, mais je veux dire, où est-ce que ça va arrêter? Puis à un moment donné, on va, même moi, je vais commencer à avoir mal à la tête au nombre de choses qu'on va avoir de Wi-Fi autour de nous autres. Le monde chiale déjà que leur batterie de téléphone ne dure pas. Effectivement. Fait que imagine-toi si tu as une brosse à dents, une mijoteuse, une sécheuse, une laveuse, ton char qui te bip parce que tu as la Volt ou la je sais pas trop quoi, la batterie ne durera pas de nos téléphones. Là. C'est trop. Là. Moi, en tout cas, j'en veux pas. Là. C'est comme. By the way, le site web, là. Arrêtez de nous faire partir des vidéos ou du son quand on arrive sur votre site web. C'est fatigant. Si je veux l'écouter, je vais le partir moi-même. Mets-moi pas un auto-start. C'est comme une critique, tu sais, comme auto-critique, vu qu'on le fait maintenant sur Mac Québec. Ouais, mais je parlais pas vidéo. À ça. Non. Nous autres, c'est quand on appuie sur un article. Mais lui, je viens d'arriver sur ton site Colibri, là, la vidéo YouTube est partie automatiquement. Ah, OK. C'est gossant, parce que tu t'en attends pas, puis là, mettons, tes speakers sont au bout, puis là, ça fait « Ah, ça crie comme... » En tout cas, c'était... L'éditorial de Jean-François. Mais pour venir aux choses connectées, non, c'est pas pour moi. Une brosse à dents, non, ça t'intéresse pas? Une brosse à dents. Tu sais, voir tes stats, OK, là, tu t'as fait ça de même. Hey, là, on calme hausse, là, c'est comme... si ça me coûte aucun dentiste par année, moi, là, fait que je dois aussi bien me laver les dents parce que ça fait... Je vois rien qu'au nettoyage, puis ça me coûte pas une maudite carie, fait que... Bon. Ma fille est allée cette semaine, elle en a trois, dont une sur une dent d'adulte. Fait que on va y acheter la Colibri. Ben oui. Voilà. Ça faisait le tour, en fait, de nos petites découvertes. Le CES n'est pas terminé, si je ne me trompe pas. Il reste encore quelques jours. Quelques jours, je pense que ça finit vendredi ou samedi, je ne suis plus sûr. Excellent. Hein. Donc, on va avoir encore d'autres niaiseries pour Oui, ça, c'est n'importe quoi. Là. Ça va être excellent. On revient tout de suite avec le segment « Les amateurs de Mac, bonsoir » où on répond à vos questions. D'ici quelques semaines, on devrait peut-être avoir peut-être un jingle spécial pour j'entends du son entre les branches. Je ne suis pas encore sûr, c'est pas encore confirmé. Okay. Mais ça se peut qu'on aille quelque chose de spécial pour ça. Donc, on revient tout de suite après la pause. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. MacQuebec.com. Eh bien, bienvenue à ce segment où vous posez vos questions et on donne des réponses. Donc, les amateurs de Mac, bonsoir. En fait, on a rajouté, vu qu'on a un peu moins de questions dernièrement, on a même rajouté des trucs et astuces. Et un des petits trucs, en fait, que j'ai à donner, je m'en suis rendu compte hier soir, je cherchais mon adaptateur pour brancher mon téléphone. Je le trouvais pas. Puis là, je voulais pas laisser mon ordinateur ouvert toute la nuit. Ça fait une lumière que je trouve pas agréable pour dormir. Fait que je me suis dit, où est-ce qu'il y a un port USB? Et j'ai essayé, en fait, simplement de brancher sur mon AirPort Extreme mon téléphone. Il y a un port USB qui est à l'arrière, qui est normalement fait pour brancher un disque dur ou une imprimante et les rendre Wi-Fi. Et il m'a même demandé si... Un peu comme quand tu le branches maintenant sur un ordinateur, veux-tu le fier à cet ordinateur? Ouais. Donc, il m'a demandé, trustes-tu ta borne AirPort? Ouais. Et il a commencé à charger. Ce matin, il était à 100%. Donc, c'est un petit truc. Si on branche son téléphone sur sa borne AirPort, peut-être que vous avez un AirPort Express. Je ne l'ai pas testé avec le Express. Je vais le tester. Si, j'en ai un chez nous. Excellent. Si vous le savez, tu nous le diras sur Internet. Un autre appareil où est-ce qu'on peut recharger nos téléphones, nos affaires-là, nos récepteurs Illico Bell. Ah, c'est vrai? Ouais, ouais, tu branches ça dans le fil, dans le port USB, tu branches ton fil, puis ça va recharger. Là. Fait que si vous cherchez un port USB quelque part que vous n'avez pas, vos récepteurs HD. Fait que c'est ça. Excellent. On a trois questions aujourd'hui, soit une qui est sur le site de Mac Québec, qui vient tout juste d'arriver, de 4 laps. Auxquels on va répondre. On va répondre à la question de Romain Desavy et on va répondre à la question de Frédéric Lavoie. Et je pense qu'on va faire une émission spéciale parce qu'il nous a vraiment détaillé ce qu'il voulait. Lire, ça va être très long à lire. En fait, il nous demande, c'est une espèce de consultation d'achat. On va y aller avec la question de Romain Desavy en premier. Je te laisse t'occuper de ça. Bonjour l'équipe de Mac Québec. Je suis à la recherche d'une boutique capable d'installer un SSD dans un iMac 21 pouces fin 2009, Intel Core 2 Duo 4 GB de RAM. Auriez-vous une adresse à me conseiller ou un tutoriel complet qui me permettrait de réaliser moi-même? Merci d'avance. J'ai parlé en fait à Romain cette semaine et comme c'est drôle, je lui ai proposé en fait de communiquer avec les gens de ClickPom, ce qu'il a fait. Il y a des tutoriels, il en avait trouvé quelques-uns, entre autres chez iFixit. Ils ont des tutoriels qui sont habituellement assez bien faits. Ouais. Ouvrir un iMac n'est pas une mince tâche. D'abord, en fait, parce que il faut enlever la vitre qu'il y a devant en premier et il faut l'enlever avec des sus. Elle est aimantée sur l'appareil et si on le fait pas comme il faut, à brise, à coûte cher et de toute façon, il faut être dans un espace idéalement le plus propre possible ou la manipuler avec grand soin parce que dès qu'on la décolle, il y a de la poussière qui s'en va en arrière. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a 30 cuques aimants alentour d'un écran iMac. Effectivement. Ça se fait assez bien en fait avec à peu près n'importe quel sus, mais faut juste l'avoir fait. Ensuite de ça, tout dépendant du modèle, quand on va, il y a beaucoup de vis, il y en a à des endroits assez particuliers. Et quand on va le défaire, en fait, il y a deux manières de le faire. Si on est deux personnes, il y a quelqu'un qui peut tenir l'écran. Comme ça, on n'est pas obligé de le détacher. Et à ce moment-là, à l'intérieur, le disque dur est dans un socle. Le disque dur qu'il y a dans un iMac, c'est un disque dur 3,5 pouces. Donc, c'est un disque dur de desktop. Et la plupart des disques durs qui sont vendus actuellement en SSD sont des disques durs de laptop. Okay? Il n'y en a pas des gros, ça ne sert à rien de les faire gros comme ça. Ouais. Donc, il y a plusieurs façons de l'installer, mais comme c'est un disque qui ne vibre pas, le SSD, vous pouvez, sur le marché, sur Internet, vous allez pouvoir trouver des enclaveurs qui vont permettre de glisser votre disque dedans et ça va vous donner la grosseur d'un disque 3,5. Comme le disque bouge pas, puis qu'on n'a pas besoin de l'empêcher de trembler ou de quoi que ce soit, vous prenez un tape à deux côtés 3M, puis vous collez votre disque dur dans le fond du iMac, puis ça fait la job honnêtement. Donc pas besoin d'avoir ces trucs là. Donc on fait l'installation, on peut coller avec un papier deux faces. Oui, je l'ai fait. C'est ça. Puis c'est assez fréquent parce que c'est en plastique ou en aluminium. Il y a des trucs qui retiennent qui sont en métal, tu sais, pour le tenir serré. Puis quand tu les enlèves, ça fait comme un bruit de schlunk. Pas trop agréable, fait qu'il faut que tu ailles délicatement. Que tu viens de casser ton écran. Exactement, fait que tu fais comme oups, t'es saisi, puis à un moment donné, tu finis par l'ouvrir, tu vois à l'intérieur. Puis après, est-ce que c'est facile à remettre un écran? Oui, quand même assez. Le seul truc, par exemple, c'est d'avoir une bonne canne d'air ou un tapis antistatique, c'est l'idéal, ou... Quand on déballe, par exemple, son iMac, là, ce qu'il y a le truc blanc, c'est antistatique. Donc, ça peut être intéressant, si vous avez conservé la boîte, de glisser peut-être le truc dedans, d'avoir un chamois microfibre pour peut-être essuyer et l'écran, parce qu'il faut enlever le LCD dans certains modèles et la vitre qui va. Puis profitez-en pour nettoyer votre fan à l'intérieur aussi avec une canisse d'air. Excellent conseil, oui, effectivement. Parce que votre iMac, en fait, il y a des modèles de iMac qui ont un petit défaut de conception et qui, effectivement, en emmagasinant la poussière, finissent par commencer à émettre un bruit qui devient très désagréable. Puis si la fan ne fait pas sa job, tout dans le système va commencer à chauffer. Puis il y a peut-être quelque chose qui va lâcher. Je le fais prématurément. Sur le mien, là, aux 3 mois. 3-4 mois. Vrai? Tu l'ouvres? Ben, il y a beaucoup de la poussière à cette heure, c'est effrayant. Là. Ouais. Tu passes ton Swiffer quelque part dans la maison, là. Puis 3 minutes après, là, ça revient comme avant. Là, tu dis que j'ai pas dit pour rien. C'est parce qu'il répare les rues, tu sais. Ah ouais, ben ça. mon Dieu, on n'a pas fini. Non. Puis non, c'est ça. Fait que je fais avec ma canisse d'air aux 3 mois, je rouvre mon cover en bas. Puis le pire dans tout ça, en faisant juste ça, puis en nettoyant les bouches d'aération qui sont dans le portable, tu gagnes des degrés. Tu gagnes des degrés de chaleur. Mettons, je sais pas, moi, de 46, je peux tomber à 44. Okay. En nettoyant. Oui, ben oui, parce que tu débouches les airs d'aération. Ouais. Ça, c'est pas long que de la statique, c'est la poussière. Vous fumez. Oui, c'est ça. Si vous fumez. Nous autres, on fume plus en dedans maintenant, on fume dehors. Mais c'est ça. Mais un bon petit nettoyage, là, un petit nettoyage printanier avec une canisse d'air, là. Puis, tu peux-tu dire une canisse d'air comment qu'on la tient pour pas que ça fasse... Pas par en l'envers? Ouais, pas par en l'envers. Que vous la parce que c'est du liquide, c'est pas de l'air comprimé qui est à l'intérieur. C'est un liquide qui, une fois dans l'air, produit, en fait, c'est froid d'abord. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée de le tenir à l'envers parce que ça va plus faire l'effet, en fait, de givre. Ça va givrer, mais ça va faire comme du nitrogen. Oui, oui. Comme ce qui tue le T-1000 dans Terminator. À ce moment-là, c'est peut-être mieux de faire attention avec ça. Sur ThinGeek, il y a une canne d'air, c'est moins puissant que celle qu'on peut acheter, mais une canne d'air électrique qu'on peut acheter. C'est une centaine de dollars, mais quand tu calcules le nombre de cannes d'air que tu peux utiliser, en tout cas pour un technicien, ça peut être intéressant d'aller chercher ça. On a une autre question. En tout cas, j'espère, Romain, que ça répond à ta question. Puis j'imagine il a communiqué déjà avec Clickbomb. 4 laps sur Mac Québec en trade. J'ai un MacBook Pro acheté en 2007. Il y a OS X 10.5.8. J'ai plus que négligé les mises à jour. Vous me conseillez quoi pour le mettre à jour? Merci. Eh bien, 4Lap, c'est un ordinateur qui a quand même 7 ans. Ouais. C'est un MacBook Pro. Là. C'est une machine qui, à l'époque, était très puissante, mais c'est vraiment beaucoup dépassé. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton ordinateur? Est-ce que c'est une machine... Parce qu'un MacBook Pro, c'est une machine professionnelle. C'est une machine qui va servir à faire un peu de montage vidéo sur la route, peut-être pour un musicien sur la route ou qui fait des tournées, peut-être pour quelqu'un qui fait du graphisme, du Photoshop, des trucs comme ça. Et maintenant, en fait, à l'époque, il y avait une grosse différence entre le MacBook Pro et le MacBook standard, c'est-à-dire qu'on avait le MacBook Pro qui avait une carte vidéo et le MacBook standard qui n'en avait pas ou qui avait la carte on-board. Ben le 13 pouces, moi, c'est on-board. Là. C'est on-board, c'est ça. C'est ça. Il n'y a que les 15 pouces qui ont la carte on-board. Peut-être que la raison pour laquelle tu as acheté le MacBook Pro, c'est parce que tu voulais un écran de 15 pouces. Maintenant, soit avec le AirPlay, comme on l'a montré tout à l'heure, ou en branchant un écran, on peut avoir un écran externe beaucoup plus grand ou même utiliser sa télévision pour avoir un écran qui est utilisable plus grand. Maintenant, comme l'ordinateur est très vieux, 2007, ben en fait, ce serait d'aller voir probablement sur canadaram.com jusqu'à combien on peut élever la mémoire là-dedans. La mémoire actuellement, c'est pas très cher, mais comme l'ordinateur, c'est plus vieux, probablement que ça monte jusqu'à 4 gigs de mémoire. 6 gigs sur MacTracker. OK. Donc, 6 avec une barrette de 4 gigs, une barrette de 2 gigs, ce qui va peut-être te coûter un 150$. L'autre chose que tu peux faire pour vraiment améliorer les performances, ce serait d'y ajouter un disque dur SSD. Et ton MacBook Pro en 2007 n'avait pas un disque dur qui était très, très gros. Donc, tu ne te retrouveras pas pénalisé en achetant un disque dur SSD. C'est-à-dire que plus ils sont petits maintenant, puis moins tu les payes cher, tu peux trouver probablement des 160 gigs à 150$. À peu près, je pense que j'ai vu cette semaine des 250 gigs à 200$. Là. Donc ça va vraiment donner un coup de fouet à ta machine. si tu veux la garder encore. Sinon, ben, en fait, souvent aux choses qu'on fait, c'est qu'on suggère aux gens de changer d'ordinateur aux 3 ans. On sait que c'est pas à la portée de tout le monde tout le temps, puis que c'est, ça fait pas partie nécessairement des priorités des gens. Mais après 5 ans, un ordinateur, tu l'utilises jusqu'à temps qu'il meure, puis ça vaut pas vraiment la peine de mettre des sous dessus, puis tu le remplaces en fait par une machine. Si tu es sur le marché pour regarder pour un autre appareil, peut-être qu'un MacBook Air pourrait mieux convenir à tes besoins. Si on parle, comme je disais au début, juste de l'Internet, du texte, des emails, des trucs comme ça. Voilà. Okay, c'est comme moi, lui, c'est un fin 2011. OK. Puis je vais le changer début 2015. Ouais, je le garde 3 ans. Fait que, le temps de la garantie prolongée, même si tu ne l'as pas pris. Même si je ne l'ai pas pris, c'est ça. Fait que l'année prochaine, je vais changer. Je voulais cette année, mais là, mais l'année prochaine, je vais m'acheter. Je vais attendre. Là. Parce que moi, le problème, là, que j'ai. Ça, c'est un coup de dose que je vais donner à Apple. Là. OK. Non, pas un coup de dose, un coup de dose. À Apple, la différence de prix de leur nouveau MacBook Pro Retina avec le disque dur SSD est énorme. Ben, ils chargent cher pour le SSD. Il va falloir qu'ils se reprennent là-dessus parce que là, qu'ils vont ça se faire plus manger. Bon. Oui, parce que là, on peut même pas le changer. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je voulais prendre le. Parce que dans celui-là, moi, j'ai un Fusion Drive qui fait 678 gigs, parce que j'ai mon 500 plus un, en tout cas. Fait que ça donne 680 gigs. Mais chez Apple, si je veux le modèle, le 13 pouces Retina, 512 gigs, c'est 1849 $. Il n'y a même pas de carte vidéo dedans. Non, c'est juste la Iris, là. C'est que la Iris. C'est 1849 pour 512 gigs de SSD. C'est énorme. C'est très cher parce que je ne peux pas acheter le modèle de base du 13 pouces. 256 gigs. 128. Okay. Fait que 128, je m'excuse, mais où tu vas chier où avec 128 gigs? Moi, j'ai vu quelqu'un cette semaine qui avait un MacBook Air. Je check le disque dur, 64 gigs. J'étais comme, oh boy. Mais c'est ça. Tu vas où avec ça maintenant? Ouais. Tu sais, juste le système, tu installes Maverick, je pense qu'il prend 20 gigs. Ben, en fait, avec les applications, mais tout seul, le système, c'est autour de 4. Là, mais oui. Mais c'est ça. Fait que je comprends pas pourquoi ils s'entêtent à nous charger autant cher de l'espace disque dans leur machine. Ils en vendraient bien plus s'ils mettraient ça au prix du marché. Là. C'est énorme, là, payer 3. Je pense que c'est 500 pièces de différence entre le 128. Et le 512, si je fais une recherche, c'est énorme, c'est dégueulasse comme qu'est-ce qu'ils font. Je vais vous le dire tout de suite. On va aller voir sur le site d'Apple dans le shop. Le modèle de base, c'est 128 gigs, c'est 1349 et le modèle avec 512 gigs, c'est 1849. C'est 500 de différence. Pour un 512, juste un 512, parce que l'autre, c'est la mémoire. La mémoire, ça coûte rien à cette heure-là. Non, c'est ça. Fait que c'est vraiment juste le 500 de différence entre le disque dur, parce que la carte mémoire, c'est la carte vidéo, c'est la même. C'est la Iris standard, pas la Pro. OK. Puis c'est tout. Puis c'est ça. C'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Tu t'apprécies pas, en fait, la nouvelle. Mais tu sais, il y a l'écran Retina dessus qui doit encore leur coûter très cher. Oh, mais ça change rien du modèle de base 13 pouces au modèle de base 13 pouces avec 512 gigs. Non. C'est le même fait prix, c'est, l'écran. C'est pas, ouais, mais s'ils veulent faire de la marge sur les disques SSD des plus gros modèles, où est-ce qu'ils vont vendre, sont obligés d'avoir des espèces de différences de prix ridicules comme ça pour les plus petits modèles. Puis ça va être de plus en plus difficile à motiver, en fait. Là, c'est ça le problème. Fait que je sais pas qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. On s'entend, c'est l'année prochaine. Tu sais, je vais-tu prendre un modèle 128 gigs, mais là, il va falloir que je me promène avec un disque dur tout le temps, puis tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait inventer là, en un an, là, mais c'est un peu poche, là, je m'excuse, là, mais non, je l'apprécie pas. Voilà. Sinon, on va rentrer dans la question de Frédéric Lavoie. Oui. Donc, allô Podcast Mac Québec, voici ma situation. J'ai un iMac 24 pouces 2007, le iMac 7.1, processeur 2.4, 4 GB de mémoire, disque dur original de 320 GB qui est plein, avec macOS X 10.6. Pour faire une histoire courte, il répond encore très bien à mon besoin. Il est un peu lent, mais je m'y fais. Je n'ai pas besoin de vitesse absolue pour cet ordinateur-là. Il sert pour Internet, mail, web, FaceTime, Skype, iTunes. Quoique iTunes commence à être un logiciel qui a besoin de ressources. Ouais. Syncer mon iPhone, mon iPad, tout ça. Feeder mon Apple TV. Mes buts. J'aimerais un jour passer à macOS X 10.9, mais j'ai peur de regretter à cause de la baisse de vitesse. Je pensais attendre à 10.9.3 pour me donner une chance pour la stabilité. Puis redonner une neuvième vie à mon ordinateur sans avoir à débourser un montant exorbitant et ainsi repousser l'achat d'un nouvel ordinateur. Mes options, le Fusion Drive d'Apple, pas sûr que ma machine est compatible. Non, elle ne l'est probablement pas et si je ne me trompe pas, Apple ne vend pas de Fusion Drive. Non, non, faut que tu le fasses toi-même. Faut que tu achètes le Mac avec le Fusion ouais. Drive dedans, c'est tout. Combinaison d'un SSD et d'un HDD normal, et je perds mon DVD drive, ce qui n'est pas une grosse perte, selon moi, ou l'utilisation, en fait, d'un SSD HD, le modèle STCL2400, qui est à un peu moins de 200$. Donc, je pense que ça, c'est un 4 Tera, si je ne me trompe pas. Ouais, il doit venir avec 64 gigs de base. Là, ah non, ça vient avec moins que ça. Moins que 64 gigs. Ça vient avec des megs, ça, si je ne me trompe pas. Ça vient pas avec, avec des gigs, ça vient pas avec assez pour mettre le système, le SSD là-dedans est utilisé comme une espèce de buffer, si je ne me trompe pas, mais vérifie. Donc, oui, je pense que oui. C'est un 2 terabytes. C'est un 2 TB. Continue okay. à aller, je vais aller. Parfait. Donc, ça, c'est les options. Effectivement, en fait, de maximiser la mémoire dedans, quoique 4 GB de RAM sur un 2007, peut-être que c'est comme le MacBook Pro dont on parlait tout à l'heure et qui est possible de mettre 4 GB et 2 GB pour un total de 6. Ça pourrait peut-être y donner un petit... oui, qu'est-ce que tu disais? C'est 8 GB de flash. OK. Qui vient avec le SSD HD. C'est pas beaucoup. Hein? Non, c'est pas beaucoup. Mais ça fait la job quand même. Ça donne quand même un bon boost. C'est sûr que c'est pas aussi rapide qu'un SSD, mais ça donne quand même un bon boost. Et ça permet d'avoir un disque dur de bonne capacité, d'avoir un gain En performance, mais de ne pas y mettre non plus toute sa chemise. Quoique les disques durs, là, d'ici la fin de l'année, là, les SSD, ça devrait rattraper là, les disques durs standards. Oui, c'est clair, là. C'est clair. Donc, première question, est-ce que je peux remplacer mon HD de mon ordinateur par un SSHD, outre la difficulté d'ouvrir le iMac? La réponse est oui. Si oui, est-ce que je peux voir une augmentation notable de la performance générale de l'ordinateur ou suis-je mieux d'utiliser des solutions avec une combinaison SSD et HDD? SSHD. Moi, je pense que si tu remplaces un disque dur 320 GB qui a 7 ans par un disque SSHD, tu risques de voir un bon gain de performance. Autant parce que tu vas avoir plus d'espace sur ton disque dur, donc au niveau des caches et tout ça, ça va bien fonctionner, et parce que tu vas avoir un gain à cause du 8 GB de mémoire du SSHD. Ai-je besoin de configurer mon Mac ou iMac de façon spéciale ou bien c'est transparent pour pouvoir profiter des features du SSHD? C'est transparent. Donc, tu commences par transférer tes données de ton disque dur à ton nouveau disque dans un boîtier externe, quelque chose, avec par exemple Carbon Copy Cloner. Ouais. Tu peux le faire avec Disk Utilities. Le problème, c'est que s'il y a des erreurs au niveau de la copie, Disk Utilities ne t'en avertira pas, alors que Carbon Copy Cloner va te faire un rapport. Fait que si c'est juste une couple de photos qui n'ont pas passé parce que ton disque était vieux et il y avait des bad sectors, c'est pas grave. Si on te dit qu'il y a un fichier système ou quoi que ce soit qui n'a pas passé, là, à ce moment-là, c'est un petit peu plus grave. Ou tu prends ta copie de Time Machine que tu as fait préalablement. Oui. Et tu le dompes dans ton nouveau disque dur au démarrage. Voilà, aussi. Et auriez-vous d'autres suggestions? Ben, entre autres, celle que tu viens de faire, de prendre la copie de Time Machine. Écoute, moi, pour une machine qui est vieille comme ça, tu gagneras pas beaucoup d'années nécessairement en faisant cette opération-là. Non. Tu vas peut-être gagner un an et demi. Donc, moi, au niveau du budget, j'irai avec quelque chose du plus bas possible et le meilleur rapport qualité-prix, c'est effectivement ton disque SSHD. L'intérêt aussi de ce disque-là versus un SSD, ben c'est que pour, mettons, le 200$ que tu vas mettre, dans un an, quand tu vas acheter une nouvelle machine qui va avoir soit un Fusion Drive, soit un disque dur SSD relativement gros, ben de l'autre côté, tu vas pouvoir utiliser ce disque-là que tu auras acheté maintenant, le mettre dans un boîtier et avoir un disque dur externe. Mm-hmm. Alors que si tu achètes un SSD puis que tu le mets dans un boîtier de marde, mettons un boîtier USB 2, dans un an, bon, c'est sûr que tu achètes un boîtier USB 3, mais mettons que tu achètes un USB 2, ben tu n'auras pas la pleine vitesse de ton SSD. Là. Ça ne servira à rien. Si tu achètes un boîtier USB 3 ou je pense qu'il y a une nouvelle norme là, qui s'en vient en USB ou un boîtier Thunderbolt. C'est la même norme. C'est juste que là, c'est les connecteurs, tu vas pouvoir faire comme le Lightning. Tu vas pouvoir twister de bord n'importe quel bord puis il va rentrer dedans. Wow! It's about time. Oui, parce que le USB, on sait, ça a trois côtés pour ouais, brancher. Ça prend trois aussi. Le premier, le deuxième, puis le bon. Le troisième, il fonctionne. Ouais. Fait que, je suis en train de checker juste la connectique d'un... C'est du SATA 3GB. Ah, ça? OK. Ben, ça? C'est 3GB. Donc, en SSD, tu n'obtiendrais pas le maximum des performances du SSD. Fait que ça ne sert à rien d'aller acheter SSD. Fait que le SSHD reste ta meilleure option. J'espère que ça répond à ta question. Et on vous rappelle que si vous aussi, vous avez des questions, vous pouvez aller soit sur le forum de Mac Québec ou comme CatLab sur Mac Québec Entraide. Vous pouvez nous envoyer ça. Je n'ai pas donné le numéro de téléphone en début d'émission, mais il y a une boîte vocale, si je ne me trompe pas, attachée à ça, au 1-877-561-2357. Et si vous nous appelez, nous, on va prendre le fichier puis on va le diffuser en onde. Fait que on va pouvoir dire au monde qu'on a vraiment des gens qui nous écoutent. Ça va être super. Évidemment, ben, vous pouvez nous poser des questions. Là, Jean-François dort à peu près 4 heures par nuit. Donc, il est toujours sur Twitter vraiment. Pour répondre à vos questions. Et en général aussi. En général aussi, différentes choses. Ouais. Voilà, une dernière publicité avant de se quitter. Mac Québec, le podcast. Vous pouvez joindre l'équipe du podcast Mac Québec par courriel podcast@macquebec.com, par Twitter @MacQuebec ou sur la boîte vocale au 1-877-561-2357. MacQuebec.com. Eh bien, en conclusion, on voulait une dernière fois remercier nos commanditaires, donc ClickPom. Vous pouvez nous trouver au www.clickpom.com. Si vous avez aimé les réponses qu'on a données aujourd'hui, eh bien, c'est le même bon service qu'on donne chez ClickPom. Donc, vous pouvez nous appeler pour des problèmes de configuration, de la consultation, installation de serveurs, de partage de fichiers, tout ça. iRepair Montréal, les sauveurs de vie professionnelle. Vous pouvez aller les voir sur iRepairMTL, donc irepairmtl.com, ou passez les voir à leur boutique située en plein centre-ville au 1184 rue Sainte-Catherine-Ouest, suite 101. Aussi, Coop UQAM, la boutique informatique. Vous pouvez passer les visiter au 279 rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, ou prendre un rendez-vous sur leur site web au coopucam.com. ReptileTech, qui nous donne un bon coup de main au niveau de l'infrastructure et de notre hébergement. L'INIS, que vous pouvez trouver à inis.qc.ca, ou passez les voir au 301 boulevard de Maisonneuve-Est, tout juste à côté de la Cinémathèque québécoise. Ils ont d'incroyables locaux. Tout en vitre, c'est super beau. Ils sont très bien organisés au niveau du network, tout ça. Donc, c'est vraiment chouette. Les cours sont aussi très bons. Le P pour les indicatifs audio. Telestream pour le logiciel Wirecast. Vous pouvez avoir plus d'informations pour Telestream, pour Wirecast et les autres produits de Telestream au telestream.net. Et on aimerait aussi remercier Pierre Rochon de Piroxo pour la nouvelle application Mac Québec Mobile 3.0 que vous pouvez aller chercher aujourd'hui même sur le App Store. On aimerait aussi remercier en fait nos collaborateurs à Mac Québec. D'abord Jean-François, Jean-Michel qui nous donne un bon coup de main, Jonathan Laberge, Jonathan Moreau aussi qui nous aide et Jason qui ne pouvait pas être avec Jason Denomi qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. Pour le prochain podcast, ça sera le 721 janvier. C'est Jean-François qui est en train d'éditer le document. Donc, on se revoit pour le prochain podcast Mac Québec qui ne fait pas relâche durant le congé des fêtes. C'est déjà passé. Ouais, fini, et qui ça. Sera de retour mardi le 21 janvier à compter de 20h. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver, Jean-François, sur les intertubes? Vous pouvez me retrouver à jfroy1979 sur Twitter. Excellent. Pour ma part, en fait, vous pouvez trouver Jean-Michel Boily, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, au JM souligné Boily avec un Y. C'est sur Twitter. Pour ma part, vous pouvez me trouver au Alex Cornelier sur Twitter aussi. Et dernièrement, dans une galaxie éloignée, dans le jeu FTL ou Faster Than Light. C'est un jeu que j'ai pogné sur Steam et je suis complètement accro. Ah, OK. De la part de toute l'équipe de Mac Québec, on vous souhaite évidemment une bonne année 2014. On espère que vous serez à l'antenne ou à l'écoute ou au téléchargement dans le feed RSS tout au long de l'année. Et vous pouvez aller laisser des commentaires. Les gens nous en ont envoyé pour l'application. C'est super apprécié. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et on a reçu dernièrement des commentaires même de quelqu'un qui avait démarré le Club Mac de Drummondville. Oui, j'ai vu ça. Puis le Club Mac de Québec. Donc, merci beaucoup de l'encouragement. Ça motive à continuer à faire un meilleur produit parce qu'on le sait, on est loin d'être parfait, mais on essaie de s'améliorer à chaque show. Exactement. Merci à toi. Merci. Bye. Bye.